Bonjour à toutes et à tous. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai ici ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait, tiré de l'édition du 1er septembre 1883, nous dit qu'Amable Miquelet de Westbury a vendu une grande partie de sa terre. Monsieur Mignot, riche fermier de la paroisse de Saint-Barnabé, district de Saint-Hyacinthe, vient d'acheter la plus grande partie de la propriété de Monsieur Amable Miquelet, canton de Westbury, aux environs de Rookshire. Monsieur Miquelet s'est réservé 85 arpents pour lui-même et son gendre, Monsieur Fontaine.